Je m'excuse à l'avance pour le retard. Ça veut dire que je vais probablement consommer le budget que j'ai. Ça veut aussi dire que je pars en retard. Je vais parler plus vite, ça donne pas nécessairement des bons résultats, puis j'ai des limites aussi à le faire. Parce que quand même, ma bouche voudrait aller vite. Mon cerveau nourrit pas nécessairement ma bouche à la bonne vitesse. Ah, c'est compliqué. Bon, mais ce matin, il y a quand même un avantage pour moi. D'habitude, je me plains tout le temps, façon de parler. Hein. Intérieurement, à Dieu, Seigneur, il me semble que j'ai juste pas d'expérience pour parler de tel ou tel sujet. Ce matin, je suis un expert. Ouais. Ce sujet, je le maîtrise. J'ai du vécu. Vous êtes loin, excusez. Vous êtes drôlement placé aussi. On dirait que vous êtes deux, trois dans la salle. Ouais, je suis expert ce matin. Et pardon? Non. Je suis pas expert en paternité. Le sujet ce matin, c'est l'hypocrisie. Je le dis comme ça pour capter votre attention, mais c'est pas faux non plus. Et je ne le dis pas non plus pour me mortifier, mais c'est quand même un résultat de l'étude de ce passage chez moi. C'est de me l'appliquer. Qu'est-ce qu'on a vu dans les enseignements précédents? Bon, premièrement, le contexte de Matthieu, on le répète, présenter Jésus comme le maître, par excellence maître ici, pas juste étant un seigneur, mais aussi enseignant, comme aussi le Messie promis, le roi puissant. C'est le fil conducteur, ça, c'est la lumière qui éclaire les différents passages. Et dans l'immédiat du passage où on est dans la dernière entrée de Jésus à Jérusalem, ces derniers jours aussi donc. On a vu la majorité de ce qui s'est passé depuis qu'il est à Jérusalem, c'est des confrontations. Il a chassé les vendeurs du temple encore une fois. Et là, tout ce qu'il y a d'élite juive envoie une délégation pour le prendre au piège. Pharisiens, Sadducéens, Hérodiens. Jusqu'à ce que, après les avoir tous réduits au silence, on en arrive au point culminant qui est le passage de ce matin, Matthieu 23. Je vous invite à y tourner. Pendant 23. En réalité, mon sujet, c'est pas vraiment l'hypocrisie. Ça, c'est le côté négatif du sujet. Le sujet, c'est l'amour de la vérité encore. C'est la continuité de la semaine dernière. Sous un angle qui va porter ma couleur. Ce matin, ce que je vais dire, c'est dans le but qu'on comprenne que nous devons extirper l'hypocrisie de parmi nous pour la remplacer par la vérité. On doit extirper l'hypocrisie et chérir la vérité à la place. Puis on va regarder ce matin trois raisons pour lesquelles on doit extirper l'hypocrisie, chérir la vérité. On lit Matthieu 23, je vais essayer de commenter en même temps, mais sans trop m'attarder, j'espère, parce qu'il y a du stock. Et je ne veux pas creuser le moindre détail de ce passage, je veux plutôt en retirer une vue d'ensemble. Alors Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples et dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. » Pas la chair, le corps. La chair, c'est comme la position d'enseignement. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions, pour être vus des hommes. Ainsi, ils élargissent leur phylactère. Dans l'Ancien Testament, dans le Pentateuque, parenthèse ici, il y a un passage qui dit d'avoir les commandements de Dieu sur soi, sur sa personne, et ici, ça a été interprété littéralement. Donc, dans une petite boîte, on met, je pense, 5 ou 6 paragraphes du Pentateuque. C'est visible, c'est physique. Ils agrandissent les franges de leurs vêtements. Les franges, ça vient aussi de l'Ancien Testament. Dieu a vraiment demandé de faire ça aux Juifs. Là, ici, c'est quoi le point? On agrandit. Full size extra large, franges. Encore une fois, quand Dieu demande des choses comme ça, c'est pour rappel. La frange, c'était vraiment quelque chose de visible. Les phylactères, je ne serais pas allé jusqu'à le faire littéralement. Ils aiment la première place dans les repas, les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Ils aiment aussi être appelés par les hommes « rabbi », « maître ». Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur ou guide, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. C'est pas nouveau, hein? Et là, on commence les béatitudes à l'envers. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Et vous n'y laissez pas entrer, vous n'y laissez pas entrer ceux qu'il voudrait. On voit dans Luc 12 qu'ils enlèvent la clé. Ils privent les hommes de la clé. Il y a le même passage là, dans Luc 12, il y a des détails supplémentaires. La clé. Quelle est la clé? La connaissance de Dieu. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous subirez une condamnation particulièrement sévère. Les veuves, c'est la proie facile à l'époque. C'est une position de faiblesse. Et qu'est-ce que font les pharisiens? Qu'est-ce que Jésus nous apprend qu'ils font? Ils les volent. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois pire que vous. Pas nécessairement facile à interpréter, mais ce qu'on en retient, c'est que le résultat n'est pas bon. Si vous leur montrez à être comme vous, le résultat, il ne sera pas bon. Vous prenez un païen, puis vous le mettez sous la loi de Moïse. Maintenant, il pèche contre son ancienne religion, puis il est condamné par la loi de Moïse. Je ne sais pas si c'est l'interprétation, mais le résultat n'est pas bon. Ça, je retiens ça. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Là, ici, on a une petite variante. On ne parle pas juste d'hypocrisie dans ce passage, on parle aussi d'aveuglement spirituel. On va y revenir. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Là, il doit faire ce qu'il dit s'il a juré par l'or. Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé, aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Aberration spirituelle ici, là, à cause de l'aveuglement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, des petites choses, des herbes, des épices, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Conducteurs aveugles qui retenaient au filtre le moucheron et qui avalaient le chameau. On imagine un liquide qui est filtré, là. Waouh, vous avez réussi à screener tous et tous les moustiques. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'en dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Oh, c'est quoi ça? Vol, rapine, vol. Intempérance, manque de modération. Pharisiens aveugles, purifie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. On imagine à la chaux là, ou quelque chose comme ça. Qui paraissent beaux au dehors et qui en dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. On a une nuance dans Luc. Des sépulcres que rien signale. Donc, ici, c'est pas nécessairement la notion de blanchi, mais tu les vois pas, tu marches dessus. Pour un juif, tu viens de te rendre impur. Hein. Vous, de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes et ornez les tombeaux des justes. Pensez à toute la flopée de prophètes. Ils n'ont pas tous eu une mort paisible, si on peut dire mort paisible. Il y en a qui ont eu une mort juteuse et pas dans leur vieillesse. Par la main de leur concitoyens. Et vous dites, si nous avions vécu au temps de nos pères, nous ne nous serions pas associés à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Mettez donc le comble à la mesure de vos parents, achevez donc leur œuvre. Serpent, race de vipère, comment fuirez-vous la condamnation de la géhenne? C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous flagellerez les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Bérékia, que vous avez tué entre le temple et l'autel. En vérité, je vous le dis, tout cela viendra sur cette génération. Et c'est effectivement ce qui va se passer, à commencer par Jésus, qui va mourir entre leurs mains, et les premiers martyrs qu'on connaît, tous ceux qu'on ne connaît pas, ça va se réaliser. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison. Vous est laissée déserte. Et ça, on l'a chanté ce matin. C'est le voile qui se déchire. Dans Matthieu 24, on va apprendre que la maison, elle va être plus que déserte. Elle va être détruite. Ça vient tout de suite après. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, je reviens à mes trois raisons. La première des raisons pour laquelle on doit extirper l'hypocrisie parmi nous et chérir la vérité, c'est que ça ne concerne pas seulement que les pharisiens et les scribes l'hypocrisie. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai souvent lu ce passage en me distanciant des pharisiens. En voyant les pharisiens comme, une sorte d'être humain plus pervers que les autres, plus méchant. On a des fois ces drôles de raccourcis. Si on avait été là, nous, on n'aurait pas fait ça à Jésus. Hein. C'est quoi l'hypocrisie, en fait? OK. Personne ne veut témoigner contre lui. Je parais quelque chose que je ne suis pas. Et ce n'est pas involontaire. Je veux projeter quelque chose, une image. Ça n'est pas vrai. Dans ce cas-ci, je veux paraître juste. Je m'arrange pour avoir l'air juste, mais je ne le suis pas. Je ne le fais pas, je n'agis pas de façon juste. Je veux avoir l'air de faire le bien, je ne le fais pas. C'est bon? Ça, c'est l'hypocrisie, ça, c'est volontaire. C'est pas un accident. Je ne contrôle pas vos perceptions, là. Mais ce que je fais pour les contrôler, ça, c'est l'hypocrisie. L'aveuglement, c'est différent. Ça découle en quelque chose qui est contraire à la vérité, mais je suis juste ignorant. Je suis aveugle. C'est bon, fait qu'on y va avec ça pour l'hypocrisie. On note des petites choses dans le texte. Verset 1. à qui Jésus est en train de parler, il ne parle plus aux pharisiens ici. Là. Il parle à la foule et à ses disciples. C'est fini, ça, parler aux pharisiens. C'était avant. Maintenant, c'est plus à eux. On va dire indirectement, peut-être, mais c'est pas à eux directement. Ici, on dit scribes et pharisiens. On a tendance à voir les deux interchangeables. C'est pas nécessairement le cas. Tout comme scribes, docteurs de la loi, pharisiens, c'est pas nécessairement interchangeable. Tous les pharisiens ne sont pas des docteurs de la loi. Puis on va voir même dans Luc qu'il y a des docteurs de la loi qui vont dire « Hey, ce que tu es en train de dire aux pharisiens, là, tu nous offenses nous autres aussi. » Donc, il y a une distinction. On voit qu'il y a une distinction entre les deux groupes, mais spirituellement, il n'y en a pas bien de distinction. Ils ont les mêmes fruits. Au verset 36, on voit qu'on passe de scribes et pharisiens à sept générations. Oups, on vient comme d'élargir un petit peu ici. Puis, verset 37, Jérusalem, Jérusalem. Ça commence à être pas mal plus inclusif que scribes et pharisiens. À qui vraiment Jésus est en train de parler ici, donc? De qui, plutôt? De qui il est en train de parler? De la nation d'Israël. Il est en train de parler aux Juifs. Directement. Il n'y a pas juste les pharisiens hein, qui s'opposent à Jésus, on l'a vu, il y a les sadducéens, il y a les hérodiens, les principaux sacrificateurs qui ne sont pas des pharisiens, ni des hérodiens, ni des sadducéens nécessairement. Sadducéens, en passant, on pense que c'est plus du côté prêtre, l'élite, là. Les riches, les prêtres. Les pharisiens ne sont pas nécessairement là. Le Sanhédrin, c'est encore une autre affaire, c'est à peu près 70 personnes. Les pharisiens, on pense qu'ils sont un petit peu partout en Israël. Oui, peut-être un peu plus à Jérusalem, mais ils sont plus dispersés encore que les Sadducéens. Les Sadducéens ont plus de puissance politique à cette époque-là. Ce qui va peut-être même permettre aux pharisiens, plus tard, d'être les ancêtres du judaïsme rabbinique qu'on connaît aujourd'hui. Là. Les juifs orthodoxes, c'est des descendants, si vous voulez, des pharisiens. Ils ont mieux survécu parce qu'ils étaient moins politiquement puissants. Par contre, aux yeux du peuple, les pharisiens, c'est les champions. Les sadducéens, c'est plus les élites. On aime moins ça quand on est du peuple. Puis, ce qu'il faut retenir, c'est que tout le monde veut la peau de Jésus. Les prêtres, les sadducéens, les pharisiens. Tout le Sanhédrin va s'unir pour abattre Jésus. Ça ne va pas être un vote à 51-49. S'il y a eu un vote, je pense que oui. C'est faire fausse route que se distancier des pharisiens. Comme moi, j'ai eu tendance à le faire, je vous dirais. Si on les voit comme les champions spirituels parmi les Juifs, là, ce que les gens reconnaissent comme étant les champions spirituels. Et non des gens plus pervers que les autres. Toute l'humanité déchue est concernée par ce dont Jésus parle ici. Ce qu'elle peut produire de mieux, ça va être ça. Si on se rappelle ce qui est arrivé à David. Hein, on connaît bien l'histoire de son complot. D'abord, il voit Bathsheba. Là, il la fait livrer en hélicoptère. Non, il l'envoie chercher. Il l'envoie chercher. Pigeon voyageur. Ça prend du monde, non? Ah, il y a du monde qui est allé chercher Bathsheba, qui l'a ramené. Bathsheba elle-même, c'était pas un viol. Il y a du monde qui a dû voir entrer Bathsheba chez David, au palais. Ensuite, on essaie de cacher l'affaire, parce qu'elle est enceinte. Uri, pas moyen de le compromettre. Il y a des gardes, là, avec lui. Personne ne dit rien. Joab. Ben, Joab, on ne s'attendait pas à grand-chose. Pas grand-chose de bon, on va dire. Ça a pris du temps. On sait que l'enfant était né au moins 9 mois, on va dire. Et c'est par Nathan que quelqu'un va parler à David, que Dieu va parler à David. Il y avait juste Nathan au courant. OK, mais ça c'était dans l'ancien temps. C'est encore plus lointain que les pharisiens. Si on parlait de Pierre Antioche, Pierre en visite à l'église Antioche, qui est une église composée de juifs et de non-juifs. Et Pierre ne fait pas de distinction au début, il mange avec tout le monde. Et là arrivent des gens de l'entourage de Jacques. Et là, Pierre ne mange plus avec les païens, par crainte des Juifs. C'est dit que même Barnabas a été entraîné dans leur dissimulation. Barnabas, qui lui, c'est premier voyage missionnaire. Des voyages en Palestine? Non, des voyages dans le monde grec. Il n'a pas entendu l'Évangile? Est-ce que en annonçant l'Évangile lors du premier voyage missionnaire, il faisait une distinction? Il se séparait des païens? La justice par la loi? Non. Mais même Barnabas s'est entraîné, là. Et finalement, c'est par Paul que Pierre a été repris devant tous. On garde ça en tête quand même, ça veut dire qu'il y a du monde qui aurait pu parler avant, là. On garde aussi en tête le dénouement de ces deux histoires. On y reviendra, j'espère. Alors, dans le christianisme aujourd'hui, christianisme, j'utilise le mot à dessein, il y a tellement toutes sortes d'affaires. Vous prenez ce que vous voulez, vous le mettez là-dedans. Il y a tout. Tout est son contraire. Alors, on va utiliser ce qu'on a aujourd'hui comme écriture révélée pour séduire. Il y a des champions séducteurs pour paraître. Si les prétendus champions spirituels qu'étaient les scribes, les pharisiens, ont été trouvés comme ça en défaut par Jésus. C'est pas juste de Matthieu 23, là. Il a commencé longtemps avant à en parler. Matthieu 23, c'est le wrap-up. Si ces champions-là, comprenez que j'utilise le mot entre guillemets, s'ils ont été trouvés en défaut, aujourd'hui, vous pensez que c'est pas le cas? que nous, on a pu ces combats-là. C'est pas compliqué. On a juste besoin de trouver les codes qui vont plaire. Pour les pharisiens, dans le contexte juif, c'était certains codes qui faisaient que tu avais l'air vertueux, pieux. Bien, aujourd'hui, on a juste besoin d'utiliser des codes, un beau langage pour impressionner la clientèle qu'on veut séduire, là, qu'on veut impressionner. Ça exploite notre faiblesse humaine qui ne se fie qu'aux apparences. Mais ça ne trompe pas Dieu. Ça, c'était la première raison. Ça ne concerne pas juste les pharisiens. Puis là, j'ai pas été très, très... Je ne l'ai pas beaucoup appliqué à nos propres vies, là. Peut-être que pendant que je parle, vous pensez à des situations. Puis je ne dis pas pour accuser, pour faire le jeu de l'ennemi, pour qu'on s'accuse inutilement. C'est pas ça mon but. Moi, ma constatation, c'est que ça s'appliquait à moi. Deuxième raison pour laquelle on doit extirper l'hypocrisie de parmi nous et chérir la vérité à la place. Vous voyez que je dis la partie positive. Extirper, là, pour moi, c'est l'image d'enlever un pissenlit. Là. Avez-vous déjà enlevé un pissenlit? Bien sûr. Si vous restez avec la tête, là, vous avez travaillé pour rien. Si vous cassez la moitié de la racine, vous avez travaillé pour rien. Allez la chercher, la grande carotte. Puis, hey, c'est le fun quand tu as la carotte hein, du premier coup. C'est pas le fun quand tu l'as cassé en deux. Fait qu'on extirpe, mais dans le vide, il faut mettre la bonne semence. OK. Donc, la deuxième raison, c'est une question essentielle pour Dieu. C'est essentiel pour Dieu. Pour Dieu, c'est le cœur et seulement que le cœur qui compte. Un cœur sincère. Pas l'apparence, par opposition à l'apparence. C'est le dedans du plat. C'est derrière le mur blanchi, pas d'impureté. Pas de racine d'hypocrisie. Cachée, hein? C'est la racine est cachée, derrière la fleur. Par exemple, Dieu va nous parler des péchés sans geste. L'adultère dans la tête, dans le cœur. Hein? Le meurtre par la simple haine. En même temps, regardons comment ça fonctionne un humain... de nos jours, il vient d'arriver une situation vraiment triste avec une fillette qui est morte. Regardez les réactions des gens. Je comprends qu'il y a de la tristesse, mais il y a aussi quelque chose qui est exprimé envers les coupables. On se distancie des coupables. Nous, on n'est pas comme ça. Ah ouais, tu n'as jamais haï personne, toi? La vérité pour Dieu n'est pas à notre avantage. Et c'est aussi cette importance-là que Dieu accorde au cœur qui va faire une distinction des gestes qui ont l'air semblables. On prend par exemple Marie et Zacharie, quand il leur est annoncé qu'ils vont avoir un enfant. Zacharie va être corrigé. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est que le cœur n'est pas le même. Chez Zacharie, il y a eu du doute. Pas chez Marie. Qu'est-ce qu'on voit aussi dans notre passage? Au verset 5 à 7, on voit que, dans 23, là, Matthieu 23, 5 à 7, on voit que l'hypocrisie s'entremêle avec l'orgueil. Vouloir être le premier, vouloir être servi. D'où vient la rivalité avec Jésus? En esprit, et en vérité. C'est quoi ça? La vérité, c'est vraiment être sincère dans l'adoration. C'est pas juste. Il manque plus que juste l'adoration. En fait, c'est pas le lieu physique qui compte. Oui. C'est bon. Versets 29 à 36, on voit que Jésus assimile les pharisiens, les scribes de cette époque, qui embellissent les tombeaux des prophètes tués par leurs ancêtres. Il les assimile à leurs ancêtres. Vos ancêtres qui étaient des idolâtres qui ont exterminé les prophètes que je leur envoyais. Ben, vous faites la même chose. Et vous allez le faire, encore. C'est quoi donc le cœur derrière la question de l'hypocrisie? C'est à qui est-ce que je cherche à plaire? Chez les pharisiens, scribes, élites juives, c'est aux hommes, pas compliqué. C'est pour ça aussi qu'on craint la réaction de la foule. On ne veut pas dire quelque chose qui va faire que la foule se retourne contre nous. Mais on veut aussi lui plaire, hein? On agit pour lui plaire, pour être reconnu. Mais quand je cherche à plaire aux hommes, je ne trouverai jamais le bonheur, là. Ça ne me rassasiera jamais. Et c'est de l'idolâtrie. Ce que Jésus cherche à faire, on l'a vu, on le voit au verset 37, il veut rassembler. Puis là, il y a cette belle image, cette tendre image d'une poule qui veut ramasser ses poussins. Mais ce qui est préalable, c'est la soumission du cœur pour ça, à Jésus. La troisième raison, la dernière raison, pour laquelle on doit extirper l'hypocrisie et chérir la vérité, c'est que notre témoignage en dépend. On voit ce qu'on voit dans Matthieu 23, là, c'est que Dieu est en train d'exercer un jugement contre son peuple. Il rejette temporairement son peuple. On l'apprend par Romains 9 à 11, hein, on voit que Dieu a coupé une branche de l'olivier franc. Et dans son plan, il permet aux païens d'entrer. Il va hanter une branche d'olivier sauvage sur la racine de l'olivier franc. Donc, en même temps qu'il rejette, en même temps que la nation juive porte pleinement la responsabilité de son rejet, en même temps, Dieu s'en sert dans son plan. Grandiose. Mais si Dieu exerce un jugement contre Israël comme ça, et voici le témoignage à charge, vous pensez que l'Église est en reste? Qu'est-ce qu'on voit? On a le cas d'Ananias et Saphira, on pourrait dire à échelle réduite. Jugement rapide. Heureusement que la même recette n'a pas été appliquée à tout le monde, trouvé coupable du même péché. Mais on a aussi les chandeliers dans l'Apocalypse 2 et 3. Chandeliers à deux doigts d'être enlevés de leur place. L'église de Laodicée, par exemple. Dieu ne badine pas avec la vérité. OK. Donc, notre témoignage en dépend. Ananias et Saphira, c'était tout le témoignage de cette église en pleine explosion qui était en jeu. Ils ont menti à l'esprit. Ils ont voulu bien paraître. Alors bon, j'espère qu'au point où on en est arrivé, quelque part, il y a quelque chose chez vous qui est touché. Et qui dit, que ferons-nous? Comment est-ce qu'on lutte pour faire ça, extirper l'hypocrisie, chérir la vérité? Bien, en tant qu'individu, ça commence avec s'humilier, se repentir. Supplier par la foi, le Seigneur. D'arracher ces racines-là chez nous, dans nos vies. C'est ce que tu disais, Jean-Claude, mais si je n'ai pas ce désir-là, ça n'arrivera pas. Mais il veut le faire. C'est important pour lui. Alors, c'est un cri du cœur, hein? Ça veut dire, j'ai bien beau avoir peur, Seigneur, je ne veux pas plaire aux hommes, c'est pas à eux que je veux plaire. Pas que je veux faire exprès de leur déplaire, mais ça va passer après. Et ça veut dire que comme toi, tu as subi l'opposition des pécheurs, ça risque de m'arriver. Tôt ou tard, si je prends position pour la vérité, ça ne va pas plaire. En tant qu'Église, ah oui, c'est vrai, on ne voit pas dans les cœurs. On n'est pas Dieu. Mais, on n'est pas démunis non plus. Moi, j'ai bien du mal à être un propre spectateur de moi, mais dans la famille, il y a du monde qui me regarde avec un bien meilleur point de vue que moi. Je ne suis pas un très bon juge de moi-même. Puis quelqu'un qui est à l'extérieur, risque d'avoir moins de problèmes émotionnels à me regarder, à m'avertir. Et moi, vice-versa, peut-être que je peux lui donner un point de vue qu'il n'a pas. Donc, il y a des dons à l'Église, le discernement des esprits, mais il y a aussi la maturité, la sagesse. Ce n'est pas toujours des choses qui sont cachées dans le cœur. Il y a des signes aux alentours que la sagesse peut apprendre à discerner. Les fruits. Si je me fais reprendre, est-ce que je vais aimer la vérité plus que ma propre gloire? Et si c'est à moi de reprendre, est-ce que je vais avoir peur de parler? Parce que j'ai peur de la réaction, parce que la personne à qui je dois parler est prestigieuse à mes yeux, ou je sais pas quoi. Ou pire encore, parce que ça ne m'intéresse pas de m'embarquer dans une histoire de même, j'aime pas assez l'autre pour ça. Chérir la vérité, ça va être une entreprise de tous les instants, toutes les occasions. Il faut apprendre à discerner les zones d'ombre pour les mettre en lumière. S'arrêter pour faire ce travail fastidieux de clarifier tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Clarifier ce que l'autre veut dire. Clarifier pourquoi il agit comme ça. Clarifier comment il a perçu ci ou même dans ma propre vie. Moi, personnellement, je me bats beaucoup avec oser exprimer des choses que je pense que je ne devrais pas ressentir. Puis c'est vrai, là, on ne veut pas dire tout ce qui nous passe par la tête sans sagesse, puis l'insensé prend plaisir à la manifestation de ses pensées. C'est pas là-dedans que je dis qu'on doit tomber. Mais le piège, c'est de ruminer. Ça va, Phil? Non, ça va pas. Non, c'est ça. Si je décèle le mensonge ou la division, est-ce que je vais le laisser faire? Et lorsque je constate la division, est-ce que je vais prendre parti? Ou est-ce que je vais chercher à arbitrer, là, dans le mauvais sens du terme, là? Je vais devenir un partie prenante de la division. Ou bien, je vais aimer la vérité. Alors, le déracinement ne va pas être sans douleur. Et la bonne semence doit prendre la place vacante. Je suis hypocrite.